Des vacances bien méritées, sur la terrasse ensoleillée. Première journée de détente, je suis crevée. Je m'avachis dans mon transat, avec ma crème et mon bouquin. Juste un orteil dans la piscine, pour faire bien. La piscine, je m'en passerai, je nage encore avec des bouées. Un bain de soleil, un bon bouquin, je suis bien. On frappe, c'est les petits voisins qui déboulent tous en maillot de bain. Ils jettent l'encre sur ma terrasse et me terrassent. Fini la sieste et la lecture, ça plonge, ça nage, ça déménage. Ça sait même pas nager la brasse, ça m'agace. La piscine, je m'en passerai, t'en as toujours pour s'inviter. Un peu de silence, pas de bambin, je suis bien. Attention de ne pas glisser, j'ai pas envie de te réparer. Et toi qui ne sais pas nager, mais t'es boué. La tête sous l'eau, tu n'entends rien, mais ne crie pas, je t'entends bien. S'il te plaît, ne fais pas d'apnée, c'est risqué. La piscine, je m'en passerai, c'est pas facile à surveiller. Pas d'accident, pas de pépin, je suis bien. Je vous interdis de me pousser, je ne me baigne presque jamais. Ou dans une eau à 30 degrés, de mon plein gré. Que je sois cool, tu veux que je te coule? T'as éclaboussé mon roman, que j'ai commencé il y a 3 ans, ça me saoule. La piscine, je m'en passerai, y en a toujours pour te mouiller. Un bain de soleil, un bon bouquin, je suis bien. Ça y est, on part en randonnée, j'ai vraiment hâte de voyager. Quoi chérie, qu'est-ce qui ne va pas? On part pas? Y'a un problème dans la piscine, comment ça, trop de dioxine? Nos belles vacances tombent à l'eau, salaud. La piscine, je n'en veux plus, ça coûte toujours la peau du cul. Je te laisse toi et ta baignoire, y'en a marre.